face à l'adversité. En procession, en formation, contre les vents mauvais, sommes organisés. À l'endroit, à l'envers de mes positions, je suis superposé dans cette situation actuelle, en hyper-vigilance, hyper. Exposé à tous les marchés. Donc à la guerre. Yes, war is in you are here now. Stratégique position touchée. Y'a pas le bon, le brut, truand. On sait depuis longtemps qu'il y a pas le bon, la brute et le truand. Que c'est plus compliqué, que chaque rôle est compliqué. Yeah. pour moi. Dans mon monde, comment inviter du monde dans mon monde, dans notre monde, partager. Construction collective, partager. En pleine conscience, nous sommes vivants et nous le savons. Énorme prise de conscience. Ouais, c'est chaud, yeah. Mais n'aie pas peur, prends ça comme un cadeau plutôt que comme un fardeau. Car nous finirons tous, comme François Villon nous l'a dit tout à l'heure, pendus à la langue trop pendue. Nous sommes des individus. Trop fiers peut-être. Des écorchés. Just for you. You will not. La plage, ça fait longtemps qu'elle est abandonnée. Non, c'est lui, c'est lui. Et tu me fileras le pétard après. Coquillages et crustacés. Christophe Colomb n'était pas le premier. Contrairement à ce qu'on veut, il y avait des Vikings avant, les gars. N'oubliez pas. Humble, ne sachant pas tout, avançant hypothèse. L'humain avec une hypothèse construit un pont, un chemin. Une civilisation l'humain avance C'est le bordel. Différents systèmes politiques expérimentés. Communautés